et il a réussi quelques années plus tard à rassembler un spectre politique, un territoire, puisque dans son alliance qui donnera plus tard nationale, des nostalgiques de la littérature française, des monarchistes, des ultra-catholiques, des païens, des européistes pro-Europe fédérale, etc., des atlantistes, enfin un peu tout et n'importe quoi. Mais il a réussi en tout cas à faire une sorte de melting pot de tout ça et de créer cette marque forte qu'est le Front National. Alors, mais le Front National en tant que tel n'a, durant les années 70, pas vraiment eu son heure de gloire, il n'a pas dépassé quelques petits pourcents lors d'élections. Et donc il y a eu un gros changement au début des années 80, puisqu'au début des années 80, le FN a profité d'un coup de pouce médiatique et pas des moindres du pouvoir en place en la personne même de François Mitterrand. Alors François Mitterrand, à la suite d'une lettre découverte envoyée par Jean-Marie Le Pen, qui s'insurgeait, se plaignait du silence, d'ailleurs du silence radio, mais du silence médiatique autour d'un congrès de son parti, eh bien François Mitterrand a demandé aux responsables des chaînes de télévision de l'époque de donner une place à Jean-Marie Le Pen dans les émissions politiques, de dire voilà, cette personne a aussi le droit d'être, en tout cas, d'exprimer ses idées dans les émissions politiques. Et donc, en faisant ça, il a été consacré, si vous voulez, homme politique comme les autres, il a été normalisé médiatiquement, et Jean-Marie Le Pen est sorti, bien sûr, renforcé de cet accès prime time, j'allais dire, d'accès à la médiatisation, et en particulier suite à ses prestations remarquées et remarquables d'un point de vue communicationnel dans l'émission L'Heure de Vérité, qui était les paroles et les actes de l'époque, hein, de la grande messe politique à la télévision française, et donc on va voir d'ailleurs un extrait pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Jean-Marie Le Pen, donc, invité de l'heure de vérité, au cours de laquelle il a répondu aux questions de François-Louis Mérieux, Albert Duroy, Alain Duhamel et Jean-Louis Servan-Schreiber. Avec notamment, après une heure de débat, une image qui se voulait spectaculaire, puisque le leader du Front National a tenté d'avoir sa minute de silence en direct à la télévision. Il venait de dénoncer, je me contente de le citer, les hégémonismes islamo-arabes et sémites. Et il avait regretté d'autre part que M. Claude Cheysson ait demandé une minute de silence à Bruxelles à l'annonce du décès de Yuri Andropov. Monsieur Le Pen va se lever donc pendant qu'Albert Duroy va continuer de lui poser des questions. Je voudrais vous dire combien j'ai été personnellement choqué de voir que M. Cheysson ait cru devoir associer en une minute de silence les députés européens à la mort de M. Andropov, chef de l'hégémonie soviétique et de l'URSS. Et je voudrais, puisque dans ce domaine, les silences sont souvent plus pesants que les discours, moi aussi me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, pour, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag. Moi, je suis journaliste et je continue à poser une question, si vous le voulez bien. Je voudrais aborder les thèmes économiques. Alors, je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles. Voilà. Donc, après cette émission, le score du Front National a en réalité doublé. Donc, dans les sondages, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, il s'est fait connaître grâce à ses prestations et il est passé de nombreuses fois dans cette émission. Il est passé 8 fois, donc vous imaginez, dans une émission qui a duré, je ne sais pas, des décennies, mais moins, c'est quand même pas mal. Et donc, on a affaire à ce qu'on appelle, en langage journalistique, un bon client. Alors un bon client, c'est quoi? Ben, pour les médias, le président du Front National est devenu un bon client, puisque les taux d'audience étaient importants, les reprises dans la presse étaient quasiment garanties, hein, puisqu'il y avait soit des dérapages ou alors des moments chocs, et un bon client accepte d'intervenir sur des sujets ou des problèmes mis à l'agenda par les professionnels des médias, pas forcément politiques d'ailleurs, hein, ça peut être des problèmes, des sujets de société, et il parvient également à intégrer les codes du discours médiatique, donc à utiliser, ou à s'exprimer, pardon, de façon brève, percutante, avec émotion, avec humour, hein, et donc en valorisant son expérience. Donc, un bon client, eh bien, il est également capable de calibrer, bien sûr, ses interventions sur le format qu'on lui propose, et il est, de ce fait, relativement plébiscité par les journalistes, qui savent très bien qu'en tout cas, avec celui-là, on aura un moment de télévision, comme on dit. Donc, le problème, c'est que par la suite, il y a eu un certain nombre de dérapages, comme vous le savez, et donc, quelques années plus tard, on n'est pas encore dans un bannissement réel, mais on va quand même s'inquiéter de cette communication d'un Jean-Marie Le Pen qui, somme toute, fait quand même un petit peu songer à ce qu'on a connu ces dernières semaines avec un Donald Trump, enfin, vous verrez. La politique française maintenant, avec un détail de plus, entre guillemets, pour le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Hier soir, aux universités d'été de son parti au Cap d'Agde, il a, dans son discours, ironisé sur le ministre centriste du gouvernement, Michel Durafour, chargé de la fonction publique. Et c'est alors qu'un jeu de mots en amenant un autre, M. Le Pen s'est exclamé « Durafour au moulin, Durafour crématoire ». Ce qui, vous vous en doutez, provoque ce matin une avalanche de réactions indignées, car tout le monde se souvient encore d'une déclaration du même président du Front National parlant de détails de l'histoire à propos des camps de concentration. Voilà. Changement de style, changement de ton, Jean-Marie Le Pen, qui tout au long des campagnes présidentielles et législatives avait tenté de donner à son parti une image de respectabilité, rectifie le tir. Le président du Front National se fait le champion de l'opposition intégrale, rejette toute forme d'ouverture, et puis surtout ce risque à des jeux de mots étranges sur le nom du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Michel Durafour. Monsieur Durafour et du Moulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré « Nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le Parti communiste, car le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. » Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Durafour crématoire, un vocabulaire auquel Jean-Marie Le Pen semblait avoir renoncé. Mais écarté de la tribune de l'Assemblée nationale, le président du Front National doit parler fort pour se faire entendre, un peu trop fort même hier, à l'Université d'été du Cap d'Agde. Donc vous voyez, le dérapage, en tout cas en politique, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Et donc le Front National n'est pas parvenu à se maintenir dans cet état de grâce médiatique qu'il avait au début des années 80, grâce à, encore une fois, à François Mitterrand. Et il a commencé à exister sur le mode du scandale, en adoptant une stratégie qu'on pourrait nommer une stratégie du coup d'éclat permanent. Alors, c'est bien sûr par allusion au coup d'état permanent, mais le coup d'éclat permanent, puisque on le verra dans ses déclarations, donc sur les chambres à gaz, sur du Durafour crématoire, les jeux de mots, etc. Chaque dérapage représente en réalité une provocation, mais une provocation calculée ou rapidement récupérée. C'est-à-dire que les petites phrases vont constituer la marque de fabrique du leader du Front National, et sûrement de la même manière aussi une garantie du succès auprès d'un certain électorat, hein, qui va se dire « Ah bah lui au moins, il n'a pas sa main dans sa poche, il dit ce qu'il pense, il fait des drôles ». Hein, ça nous rappelle quelqu'un aujourd'hui, le côté de l'Atlantique. Et donc, chaque dérapage va bien sûr être utilisé, instrumentalisé et bénéficier d'une stratégie en différentes étapes. On peut dire une stratégie en quatre temps. Donc la première, c'est bien sûr le dérapage en question, le coup médiatique qui va marquer, qui va démarquer et qui va surtout marquer les esprits, qui n'est pas toujours conscient d'ailleurs, hein, qui c'est parfois... C'est parfois faire simplement une blague, un jeu de mots, un bon mot, etc. Et puis, la deuxième étape, c'est bien sûr l'indignation qui s'installe, l'indignation des médias et des opposants. Le troisième moment, c'est l'orchestration des prises de position, du soutien par les responsables du Front National, par ses amis. Donc on va dire, bah oui, Jean-Marie Le Pen, il dit ce qu'il pense, etc. Donc on va essayer de communiquer à l'unisson autour, enfin renforcer la figure du leader. Et dernier moment, dernier instant de cette stratégie en quatre temps, c'est généralement une conférence de presse finale de Jean-Marie Le Pen qui va venir fermer les bancs, qui va dire voilà, c'est ce que j'ai en fait voulu dire. Il va rarement s'excuser, mais il va essayer de minimiser ou de dévier l'attention en disant voilà, peut-être que j'ai dit des propos, pour prendre un autre exemple, peut-être que j'ai dit des propos sexistes, mais moi je n'ai pas menti, c'est sur des lettres concernant la situation en Libye, enfin, comme vous avez peut-être vu, entre Donald Trump et Hillary Clinton. Donc il y a cette idée effectivement de profiter de ce moment, de ce choc. Et plutôt que dans ce moment de crise, parce qu'on est dans une communication de crise, de dire ben non, bien sûr, ou alors je me fais tout petit et je m'efface. Non, utiliser cette forte médiatisation pour se grossir encore davantage dans les médias. Et donc, suite aux résultats obtenus aux élections présidentielles en 1988, ça date d'il y a quand même quelques années, et aux élections suivantes, on a commencé quand même à se poser des questions face à cette montée du Front National et un moratoire. Ce qu'on a en Belgique, on appellerait un cordon sanitaire, a été décidé. C'est-à-dire, on s'est dit, on ne peut plus lui donner la même place dans les médias qu'auparavant. Alors, qu'a fait Jean-Marie Le Pen? Eh bien, il va adopter à ce moment-là un discours anti-système. Il va dire, vous voyez, tous les médias sont contre moi, tous les médias vous mentent, ils essaient de museler, de vous museler, vos idées, etc. Et donc il va alterner d'un côté les accents du mépris, il va être très méprisant par rapport aux partis politiques et aux médias qui le boycottent, et en même temps ceux du martyr, du persécuté par l'establishment politique. Donc il devient anti-système, anti-establishment. Alors la méthode, c'est toujours la même, consiste à arborer la posture de victime, et donc de martyr, si vous voulez, pour se hisser, là encore, au centre du débat médiatique. Alors, aujourd'hui, bien sûr, c'est plus le cas, mais on va voir, en tout cas, et là, je vais prendre juste quelques minutes pour vous montrer cet extrait de documentaire qui est, selon moi, assez intéressant, et vous avez presque une masterclass, un exemple de cours donné par Jean-Marie Le Pen lui-même sur sa stratégie de communication. Donc c'est partie d'un documentaire qui a été diffusé sur Canal+ il y a quelques années sur justement les leaders politiques et la communication. C'est-à-dire, par exemple, ça. mélange de sourire et d'agressivité. Ou une autre mimique universelle qui est celle du mépris, et qui consiste à faire ça, à clore les yeux, à faire ça. Alors, quand ça passe en télévision, évidemment, ça ne peut pas être mobilisateur. Moi, j'ai pratiquement toujours été confronté à des... comment dirais-je, à des intervieweurs hostiles et quelquefois même très agressifs. Donc je suis toujours forcément à eux, forcément sur la défensive. Oui, c'est ça. Et je crois presque impossible de descendre au-dessous d'un certain seuil, faute d'avoir l'air d'un bonnet. Je vous pose une question claire. Est-ce que vous acceptez je sais bien que vous avez essayé de m'empêcher de parler, mais pendant tout votre temps d'antenne. Est-ce que vous souscrivez à l'article 2 de notre Constitution? C'est ce que vous pensez et non pas ce que pense. Au contraire, j'ai la réputation d'être plutôt serein et décontracté et pas agressif du tout. Bah, sauf lorsque vous êtes en train, bien entendu. Ah oui, mais enfin, il n'y en a plus, c'est des balades. Un tartare, un bluffeur. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. Il y a une distance énorme entre ce que les hommes politiques croient devoir faire à un débat et l'enthousiasme que peuvent avoir les observateurs quand ils voient ce débat. Je m'explique. Avant le débat de 1995 entre Chirac et Jospin, qui les montre tous les deux relativement tendus et en train de s'apaiser mutuellement en disant « on ne sera pas agressif, n'est-ce pas ?» Et Chirac répétait tout le temps « oui, oui, non, on ne sera pas agressif, les Français n'aiment pas ça. » Donc ça donnait un débat mielleux, comme vous le savez, mais quand vous avez affronté Bernard Tapie, eh bien, les gens ont été très, très enthousiasmés, parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le combat politique, vous savez. Mais c'est ce que je dis. Oui, mais ils aiment le combat politique. Je ne suis pas sûr que ces débats lyophilisés... Oui, soporifiques. Soporifiques passionnent les Français. Parce que, évidemment, ils y voient la preuve d'un professionnalisme réciproque. Oui, et en fait, ils se ménagent, quoi, tout simplement, ils ont peur. En clair, c'est ça. Oui, je crois. Moi, je suis naturel. Si je ressens un sentiment, une nécessité de riposte vive, je la fais telle en restant dans les limites, quand même, de la courtoisie élémentaire qui est due au public. Monsieur Le Pen, franchement, est-ce que vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas honte. Mais ça, c'est personne, mais c'est décidément une maladie. Non, je veux toujours se remplacer sur le terrain de la qualité de la morale. Vous êtes un vendeur de charité professionnelle. Oui, absolument. Absolument, mais avec notre argent. S'il y a une qualité qui, selon moi, s'attache au charisme, sauf quand il est obtenu par des méthodes professionnelles de comédie, c'est la sincérité. Parce que je crois, et en particulier la télévision ne trompe pas, elle est très sévère et elle sent l'artifice. Et par conséquent, je crois que l'orateur sincère, qui n'a pas besoin de son papier, ni de notes, ni de références, celui-là a plus de chances de tirer l'attention, de la capter. Et de convaincre et de séduire. Voilà. Mais il est évident qu'il y a une part de séduction. Et ma génération a été confrontée à un grand dilemme, à une grande difficulté, qui est la grande différence qu'il y a entre l'orateur de scène, qui était la pratique habituelle, n'est-ce pas, des grandes salles, c'est ça, et qui est un peu comparable à un comédien de la Comédie française. Et la télévision, qui s'apparente beaucoup plus à l'aspect cinématographique. Je vois là-bas, à l'horizon, dans le flou de l'avenir, je vois un petit clignotant qui me rassure. Non, monsieur le Premier ministre, j'en viens, c'est le SAMU qui... C'est pas la reprise. Je veux tout de suite vous rassurer, moi je suis un orateur naturel. D'ailleurs, j'ai été le premier orateur en France à procéder à la manière des prêcheurs américains, c'est-à-dire parler sans notes pendant une heure et demie ou deux heures en arpentant une scène, en asseyant, en descendant dans la salle ou en allant à travers les tables d'un banquet, par exemple, et éventuellement dialoguant avec le public présent. Les millions de Français qui veulent voter pour lui puissent le faire. Il y a une psychologie d'action qui est la même que celle du comédien. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à ceci près que le comédien dit le texte d'un autre, alors que l'orateur politique dit son propre texte. Quoi que ce soit de plus que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire brasser du vent. Cet homme-là, ce n'est pas un homme politique, c'est un ventilateur. Et il s'établit à certains moments de grâce, en quelque sorte, entre lui et le public, une espèce de relation réciproque, si vous voulez. Et là, c'est, comme diraient nos jeunes gens d'aujourd'hui, c'est le pied. Oui, pas. À ce moment-là, il y a une espèce d'exaltation qui naît. Alors, ceci se fait involontairement en regardant un certain nombre de gens. N'est-ce pas, l'orateur cible involontairement. Oui. Probablement les gens qui le regardent avec plus d'intensité. Et à partir de ce moment-là, c'est à eux qu'il parle. C'est ça. Comme presque dans une conversation privée, avec le désir de les convaincre, de les amener à lui. Monsieur Juppé, qui est à peu près aussi sympathique qu'un Kenyan, Monsieur Juppé. Lorsque vous faites rire en meeting, par exemple, tout le monde rit et décharge des neurotransmetteurs, activateurs de bonheur, l'endorphine, etc. Donc, antistressant, fantastique. Et un deuxième processus, c'est que les hormones qui sont libérées par ce processus, mais vraiment de joie intense, eh bien, pose une contagion émotionnelle. Ah oui, ah oui, c'est-à-dire, vos neurones-là, tous les neurones, sont activés en même temps et on décharge tous de l'adrénaline qui fait dilater des pupilles. Et oui, c'est ça. Comme ça, comme lorsque ça sent par exemple en symbiose. Oui, mais c'est vraiment. La communication, là, a un véritable sens. Voilà, parce qu'il y a des mécanismes psychobiologiques. Quelle est la représentation générale que les hommes politiques se font de vous comme leader politique? Comment est-ce qu'ils vous décriraient, à part populiste, bien entendu? Alors, comment me ressemble-t-il? J'en sais rien. Je suis le diable pour la plupart d'entre eux. Depuis quelques semaines ou quelques mois, que vous essayez de le faire moins peur. Est-ce que c'est vrai? Je peux vous affirmer qu'actuellement, Jean-Marie Le Pen se montre à la télévision plus sociable que menaçant. Donc, vous voyez un petit peu, en tout cas, pour ces performances, en tout cas, d'hommes de scène, évidemment, qui ne se transposent pas de façon évidente à la télévision et dans les médias. Alors, je vous parlais de ce moratoire qui s'est installé autour du Front National à partir des fameux dérapages. Alors, pour vous donner juste un exemple, ça existe bien sûr également ici en Belgique, en tout cas, ce qu'on appelle le corona sanitaire, donc cette idée que certains leaders politiques, certains partis politiques n'ont pas le droit, en tout cas ne sont pas considérés comme des acteurs politiques comme les autres et donc ne sont pas invités, en tout cas du côté francophone, à participer aux émissions de télévision, de débats, etc., comme le sont les autres formations politiques. Alors, il y a des différences entre la Flandre et la Wallonie, en tout cas entre l'espace public de télévision francophone et la Flandre, puisque en Flandre, le Vlaams Belang, qui est donc le parti à l'extrême droite de l'échiquier politique, ses représentants sont régulièrement invités dans les émissions de débat et même dans les émissions, je dirais, de divertissement, d'infotainment, etc. Donc, ce qui n'est bien sûr pas le cas du côté francophone, où vous avez des exemples, parfois, dans des émissions, si c'était en Flandre, où un leader politique, c'est une idoleuse d'écolo, s'est retrouvé à la même table qu'un leader du Vlaams Belang, donc du parti d'extrême droite, et a décidé de quitter, en fait, le plateau, parce qu'il n'acceptait pas d'être assis à la même table que ce leader politique. Mais donc, il y a des interprétations totalement différentes de ce qui est accepté ou non dans le jeu médiatique visant à mettre, je dirais, en scène les leaders politiques. Alors, Donc on est dans une, je dirais, dans un moment, à cette époque-là, où quand même le Front National se retrouve relativement mis de côté, mais on assiste en parallèle à ce qu'on va appeler la lepénisation de la politique, en tout cas en France, la lepénisation, c'est-à-dire que malgré ce cordon sanitaire, malgré cette interdiction qui a enduré, enfin qu'endura le Front National pendant les années 90, eh bien, on pourrait considérer que cette fameuse vidéosphère, cette médiasphère de la télévision, a été totalement assainie ou libérée, je dirais, de l'influence du FN. Puisque, au-delà du temps d'antenne d'un Jean-Marie Le Pen, toujours minimisé d'ailleurs par ce dernier, qui dira « Ah là, moi je ne suis jamais médiatisé, on ne me donne jamais la parole, etc. » Les thématiques du Front National, elles, ont progressivement été mises à l'agenda des programmes politiques, des partis traditionnels, en tout cas traités dans les médias. Et donc c'est un paradoxe qui va déboucher sur ce qu'un ministre socialiste en France va appeler en 97 la lepénisation des esprits, et ce ministre c'est Robert Badinter, donc le ministre qui a aboli d'ailleurs la tête capitale en France. Et donc c'est quoi la lepénisation des esprits? C'est cette propagation, cette diffusion des idées du Front National dans les discours politiques et médiatiques dans son ensemble, hein, donc pas uniquement dans un camp, je dirais. Et donc c'est une sorte de compétition sémantique, une compétition dans laquelle des mots, des termes vont se faire concurrence, et où le Front National, qui, tout en étant hors-jeu, donc mis hors-jeu d'ailleurs par les autres, eh bien va se retrouver comme un agenda setter, donc quelqu'un qui pratique de l'agenda setting, de la mise à l'agenda, dans le système politique. Donc on voit qu'il y a quand même une importance et qu'on va être capable, du côté du Front National, d'injecter des idées, une certaine vision du monde dans le débat public. Et donc dès les années 80 et par la suite, on va voir que les thématiques qui ont fait le succès du Front National, comme l'insécurité, l'immigration, etc., la place de l'islam dans la société, qui au départ étaient des sujets de niche, en tout cas pour cette formation politique-là, vont devenir des sujets très importants pour l'ensemble du spectre politique en France et ailleurs. Alors il y a différentes manières d'expliquer ce phénomène. Alors voilà, on peut dire d'une part que ces thématiques frontistes qui ont pris de plus en plus d'importance dans la sphère médiatique et politique, eh bien, ils ont transposé, ils ont bougé le débat politique à l'extérieur, en dehors du champ parlementaire. Donc on n'a plus uniquement parlé de politique dans les parlements, mais aussi à l'extérieur, puisque le Front National ne s'y trouvait pas. Et donc, on a commencé à focaliser dans les médias sur des récits, des histoires, des anecdotes autour de l'islamisme, du terrorisme, de la jeune fille voilée, etc., alors que le Front National n'était même pas représenté et n'avait même pas droit au chapitre dans les émissions politiques à cette époque. Donc ça, c'était la première explication, de dire que finalement, il y a une sorte de discussion ou de transfert de la discussion en dehors de la sphère politique. La deuxième idée, pour expliquer ça, c'est que la vision du monde du Front National, finalement, n'a pu percer que à cause ou grâce à la frilosité des autres partis politiques. Et la frilosité en termes de propositions, cette absence de force de proposition des autres partis politiques. On parlait il y a quelque temps de la désidéologisation, eh bien il y aurait une conséquence. Finalement, les seuls à injecter l'idéologie dans le débat politique, c'était le Front National, là où les autres n'en faisaient plus. Hein, et donc, quelqu'un, par exemple Laurent Fabius, qui a été donc Premier ministre de François Mitterrand dans les années 80, il disait déjà que le Front National pose les bonnes questions. En tout cas, il pose des bonnes questions, mais bon, il apporte des mauvaises réponses. Et bon, déjà, le fait de dire qu'il pose des bonnes questions, c'est interpellant. Donc, et la troisième idée, c'est que finalement, la coopération entre les médias et la politique, fait que le Front National restait quand même très intéressant. On a vu le potentiel de Jean-Marie Le Pen pour faire le spectacle à la télévision, et donc les journalistes n'ont quand même pas totalement laissé tomber le leader du BFM, en disant que quand même c'est quelqu'un qui garantit une certaine reprise et un certain nombre de tirages aussi dans la presse. Donc il y a une sorte d'instrumentalisation de ce personnage et de capitalisation sur ce phénomène politique. Alors 2002, vous êtes tous au courant, mais en 2002, deuxième tour des élections présidentielles, grande surprise, choc pour beaucoup d'observateurs, le Front National se retrouve au second tour, éclipse le PS, donc Lionel Jospin se retrouve reste sur la touche, et surtout face à Jacques Chirac, donc Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, qui sera bien sûr élu, puisque en gros, tout le monde ira voter pour Jacques Chirac, même ceux qui le détestent. Alors, pourquoi ? On peut se poser la question. Eh bien, à cette époque, les médias, vous êtes bien sûr, pour la plupart d'entre vous, bien trop jeunes, mais les médias, durant cette campagne, n'ont parlé que d'un thème, de l'insécurité. Ils n'ont parlé que d'insécurité, pas d'économie, pas d'Europe, pas de, je sais pas, d'environnement, de politique internationale, non, l'insécurité. Et l'insécurité, c'était un des thèmes, et ça reste un thème de prédilection du Front National. Et donc, ça a été très difficile pour les autres partis politiques de se profiler sur ce thème-là, puisque les meilleurs, les plus, je dirais, légitimes sur cette question, eh bien, c'était les frontistes, les lépénistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette lépénisation ? Eh bien, Jean-Marie Le Pen lui-même va dire que la politique, c'est bien sûr tout d'abord une guerre de langage, une guerre de signes, une guerre d'idées et une guerre de symboles. Et finalement, la stratégie de Jean-Marie Le Pen, elle n'était pas en tout cas purement politique. Il n'avait pas dans l'idée de gagner l'élection, en fait, Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, il était très choqué en 2002 lorsqu'il est arrivé au second tour, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Je n'étais pas du tout préparé à ça. Parce que la stratégie de Jean-Marie Le Pen, elle n'était pas purement politique, elle était ce qu'on appelle métapolitique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, métapolitique ? En fait, plutôt que d'espérer un mandat éphémère du Front National, eh bien, Jean-Marie Le Pen a longtemps préféré injecter des éléments issus de sa vision du monde, des idées, dans la conscience collective, la conscience sociétale, et dans le discours politique. Donc c'était bien plus intéressant, bien plus, riche d'un point de vue pour percer, je dirais, en politique, de faire percer ses idées, de faire passer ses idées dans le discours politique, standard, que de partir lui-même à la conquête d'un supposé mandat ou d'une victoire électorale éphémère. Donc là encore, on voit que le Front National a agi comme agenda setter, donc comme un acteur qui met à l'agenda un certain nombre d'idées. Est-ce que ce phénomène n'est pas un peu comparable à ce qui s'est passé récemment en Angleterre avec UKIP qui a réussi à... Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc la conséquence de UKIP, c'est que maintenant qu'ils ont atteint leur objectif... Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Il faut qu'on décide d'un meilleur. Ils ont été très embêtés lors des dernières élections, puisqu'on ne peut pas faire élection sur une seule idée. Il faut quand même avoir un programme. Et donc ils ont réfléchi très longtemps à quelles étaient finalement leurs opinions sur l'immigration, leurs opinions sur l'environnement, des thèmes dont ils n'avaient jamais parlé, puisqu'ils étaient purement monothématiques. Et donc, c'est exactement le même phénomène. Cette idée, c'est de changer les Anglais diront le mindset, donc l'état d'esprit des gens, de la collectivité, sur des questions fondamentales. Et donc, d'injecter sa vision du monde. Et donc, c'est bien la lepenisation des esprits qui était primordiale pour Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Alors je vous dis que, bien sûr, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, puisque Marine Le Pen et Philippot, son fidèle lieutenant, ne sont plus du tout, blacklistés ou mis au banc des médias, mais au contraire, ces deux personnages sont de nouveau des bons clients. Et donc, on voit, par exemple, dans un laps de temps très court, donc vous voyez, du 29 mars au 30 mars, Philippot a fait, vous voyez le nombre de télé, de plateaux qu'il a fait, et donc il est vraiment invité partout. Et donc si on regarde d'ailleurs les chiffres, on sait que c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais ça n'a pas trop varié depuis, on voit que dans les apparitions matinales, vous savez qu'en France il y a cette tradition des matinales en radio, bon, ici il n'y a que la première, mais bien sûr il y a BRTL, etc., mais en France, il y a plein de radios différentes, et chacune a sa matinale politique, chacune a son Bertrand Haine, si vous voulez, et vous voyez que Marine Le Pen est parmi les figures politiques les plus invitées dans ces matinales. Et même chose, alors ça c'est pour vous évaluer, et donc dans les apparitions matinales, on voit que clairement Marine Le Pen et Florian Philippot arrive premier. Ils sont même sur Instagram, hein, si vous voulez les suivre. Ils aiment les chats, et ça c'est l'arme de destruction massive en communication politique, hein. le chat. Donc voilà, en tout cas, pour montrer qu'ils ne sont plus du tout mis au banc, et le temps de parole, là aussi, lorsqu'on compare le Front National avec les autres partis, donc là c'était de nouveau il y a 2 ans, ben, c'était à l'époque des cantonales ou des régionales, je ne sais plus, vous aviez là aussi le Front National qui était plébiscité, encore une fois, parce qu'on a affaire à des leaders politiques qui sont totalement performants à l'écran et qui vont très bien fonctionner. Alors, donc, il y a eu une transformation, et on voit qu'un Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, va nous expliquer que, finalement, les hommes politiques, les journalistes et les politologues parlent aujourd'hui un langage qui n'est pas très éloigné du mien, quand ils ne recouvrent pas, voire le dépassent, je me suis normalisé, puisque tout le monde parle comme moi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, moi, Philippot, ne choque plus. Il y a d'autres nuances politiques, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, on voit qu'on n'est plus du tout dans cette opposition. Donc là, c'était en 2002, on a vu effectivement que Jean-Marie Le Pen arrivait second. Alors, petite micro-parenthèse, mais vous savez qu'il y a des primaires maintenant en France, hein, comme aux États-Unis. Alors les primaires, c'est surtout à gauche, du côté du Parti Socialiste, ça vient d'un traumatisme lié à cette élection. Puisque vous voyez que dans les candidats du premier tour, qui ont grignoté d'ailleurs les points du candidat, je dirais, naturel du Parti Socialiste qui était Lionel Jospin, eh bien on retrouve d'autres membres de cette famille de la gauche, comme Chevènement, et Taubira également, et c'est à chaque fois des petits pourcentages qui manquaient finalement à Lionel Jospin pour arriver au second tour. Et donc, les partis politiques ont décidé, là ça on ne veut plus, donc on va organiser des primaires pour être sûr d'être au second tour. Sinon c'est le morcellement garanti et on perd, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, normalisation de Marine Le Pen. Entre-temps, que s'est-il passé avec Jean-Marie Le Pen? Eh bien, Jean-Marie Le Pen, on le voit ici, il a été confronté en 2007 à un certain, même avant, alors qu'il était ministre, à Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, il a complètement détruit ce fameux binôme qui fonctionnait très bien pour le Front National, qui était la diabolisation d'une part et la victimisation de l'autre. Hein, je veux dire, diabolisation, vous faites des amalgames, des jeux de mots horribles, etc. Et en même temps, la victimisation, un Jean-Marie Le Pen qui se plaignait systématiquement de son manque de visibilité dans les médias. Et on a vu d'ailleurs que cette dynamique diabolisation-victimisation était totalement contre-productive, puisqu'elle a contribué à légitimer, à confirmer le positionnement anti-système du Front National, justement par les médias. Et donc, pendant cette campagne en 2007 de Nicolas Sarkozy, cette victimisation, qui était l'élément clé dans la dynamique de visibilité du Front National, elle a été complètement mise à mal par le candidat Sarkozy, qui a fait des électeurs frontistes un enjeu majeur. Donc plutôt que de les diaboliser, que de dire que ce ne sont pas des gens corrects, etc., il leur a tendu la main. Il leur a dit « Mais non, mais moi je m'adresse directement, je dois les écouter, je dois leur répondre, je dois les comprendre. Hein. » Et donc on voit que Nicolas Sarkozy a repris la main sur cet électorat-là, en tout cas durant un laps de temps très court, parce qu'il a cassé en fait la machine qui faisait le succès du Front National jusque-là. Quant à vous, monsieur le président Le Pen, en vous entendant, je me disais que pendant des années, la France avait eu le grand malheur d'avoir l'extrême droite la plus puissante d'Europe. Mais en vous entendant, monsieur le président Le Pen, je suis bien content que ce soit terminé. Et donc c'était d'ailleurs terminé pour Jean-Marie Le Pen à ce moment-là, donc qui ne correspondait plus, je dirais, aux critères de la médiasphère, et qui ne maîtrisait plus les codes de la médiation, qui est bien sûr l'âge. Et pour la petite histoire, il a même été invité par Nicolas Sarkozy au moment de son arrivée à l'Élysée, donc où Sarkozy a reçu tous les présidents de parti. Et c'est la première fois que Jean-Marie Le Pen avait remis les pieds à l'Élysée depuis les années 50, depuis un certain président René Coty, hein, donc ça date des années 50, et donc il était particulièrement ému et fier. Alors, autre spécificité du lépinisme de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'on a affaire à une marque familiale, une marque filiale. Et donc, même si le patriarche part à la retraite, il y a une autre, il y a, je dirais, du potentiel dans la famille, et on le sait, puisque depuis, il y a bien sûr Marine, mais il y a également Marion, Marie-Chaine Le Pen, etc. Donc on est là aussi dans une continuité relativement naturelle, hein, presque, je dirais, royale dans cette famille, je dirais, gouvernante. Et donc, on a, depuis en tout cas l'arrivée de Marine Le Pen et avant, puisque avant, lorsque Jean-Marie Le Pen était encore président, elle était directrice de la communication du Front National, et elle a changé ses stratégies. Elle a bien compris qu'avec un Nicolas Sarkozy et d'autres qui avaient repris les idées du Front National et qui maintenant avaient un langage beaucoup plus fleuri vis-à-vis de l'électorat frontiste, eh bien, il fallait changer de stratégie et dédiaboliser le Front National et en fait normaliser cette formation pour en faire une formation de gouvernement et non plus une formation de rupture, puisque finalement les idées, elles étaient déjà là, elles étaient déjà passées. Pour beaucoup d'observateurs, cette poussée du Front National serait aussi la conséquence de la nouvelle figure du parti, celle de Marine Le Pen, autre génération, autre style, le FN qui veut d'ailleurs promouvoir une nouvelle équipe d'élus et de dirigeants avec eux aussi un visage plus moderne, à l'image donc de la présidente Stéphane Bépinois, Jean-François Le Maire. Elle est blonde comme Marine Le Pen, elle attire les caméras comme son modèle. Voici Delphine Affleur, cette jeune femme de 32 ans vient de réaliser un très bon score au cantonal. Elle est arrivée en tête avec 27% des voix. Militante au FN depuis 6 mois à peine, mais bien convertie. J'ai voté Sarkozy, j'ai toujours voté Sarkozy, et après m'être rendu compte, comme beaucoup de monde, que rien ne se faisait, eh bien, j'ai adhéré au Front National l'année dernière. Autre jeune sosie de la patronne du FN, Stéphanie Coquin, 21 ans, surnommée Mini-Marine. Elle siège depuis un an au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Ses parents votent FN, autant dire que les thématiques du froid les maîtrisent. J'ai vécu dans un quartier défavorisé et j'ai vu cette immigration arriver et prendre le travail des Français qui sont déjà là et qui sont en galère tous les jours. Bonjour monsieur, je suis Lucie Merti, la candidate Front National aux élections cantonales et je suis au second tour. Je suis ravi parce que la France a besoin de sa chance. Merci. A priori, elle n'avait pas vraiment le profil de la militante FN. Ariégeoise par sa mère, guadeloupéenne par son père, cette étudiante en psycho qui a flirté un temps avec l'extrême gauche s'est présentée au cantonal dans les Yvelines. Avec 24% des voix, elle aussi s'est qualifiée pour le second tour, sans aucun doute sur son engagement. Les gens sont beaucoup plus sympathiques. Au début, ils nous recevaient beaucoup plus avec les points. Et maintenant, ils cherchent à discuter avec nous, à savoir pourquoi on est au Front National, pourquoi on est patriote et pourquoi on est protectionniste. Ces nouvelles recrues, c'est aussi un moyen pour le Front National de présenter un visage plus lisse, plus moderne. Une tentative de gommer la xénophobie associée au parti de Jean-Marie Le Pen. Vénétia Mirtin l'a payé cher auprès de ses amis. J'ai plus d'amis du NPA parce qu'ils pensent que je suis raciste. Et donc, ils ont l'esprit vraiment clos. Mais il y a de moins en moins de personnes qui se posent la question du pourquoi tu es métisse et tu es au Front National. Ces jeunes militantes ne gagneront peut-être pas dimanche au second tour des cantonales, mais elles resteront une vitrine pour Marine Le Pen en vue de la présidentielle 2012. Et donc, qu'est-ce qui fait justement la spécificité de cette Marine Le Pen? C'est cette dédiabolisation, c'est cette volonté de gommer la xénophobie, liée bien sûr à l'histoire du parti et à la figure de son père. Et puis, il y a aussi une communication très performante de la nouvelle présidente du parti frontiste. Et on va voir justement un décryptage plus sémiologique, c'est-à-dire plus lié à ce langage également incarné par la candidate et la présidentielle, bien sûr, et la présidente de l'FN. Ça, c'est... présidentielle qui nous met à l'extrême de notre modèle, c'est-à-dire du roi républicain que nous devons élire dans une société du spectacle. Il n'y a pas beaucoup d'idées et la crise empêche un peu de penser. Alors, donc, du coup, les candidats construisent un personnage, nous proposent, comme dans un grand casting, un personnage. Certainement le plus étudié, le plus construit aujourd'hui, ou le plus repérable, c'est celui, en effet, de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen entre très en résonance avec une figure qui est dans la société, très importante, et qui est la mère de famille qui galère au quotidien. Ladies, there's a new housewife in town. Alors, elle a peaufiné son personnage de manière extraordinaire, et elle montre la vraie, ce qui anime cette mère de famille, qui est la colère légitime hein, de la femme au quotidien, qui défend son budget, qui défend sa famille, etc. Alors, il y a évidemment un modèle très intéressant, qui est très populaire hein, de cette mère de famille, c'est la desperate housewife, hein, c'est-à-dire celle qui galère dans la vie quotidienne, mais qui est évidemment sympathique et moderne. C'est un vieux modèle qui s'est modernisé grâce à la série télé en question, mais à d'autres séries télé, ou à des films, je pense. La figure d'Erin Brockovich, ce grand film américain très populaire, qui fait tourner l'histoire autour du destin d'une femme qui se bat avec ses petits moyens contre le système. L'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent. Face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. Elle a francisé le modèle, mais elle en a gardé quelque chose. Elle en a gardé la tenue un peu négligée sur le plan du cheveu, parce que Marine Le Pen fait beaucoup de choses intéressantes avec sa chevelure. Lorsqu'elle commence en positif, Marine Le Pen est une jeune femme bourgeoise, assez sexy, qui ressemble à sa mère, peut-être, qui a la chevelure un peu vénusienne, bouclée, blonde. Petite chélienne, si vous voulez. Il y a des photos extraordinaires, il y a 5-6 ans, on voit cela. Quand on la regarde aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. De Vénus, elle est passée à Mars. Hein. Je dis cela parce que je suis une mère de famille. On s'est fait une soirée pizza avec mes enfants samedi soir. Eh bien, nous avons commandé 5 pizzas, j'en ai eu pour 80 euros, près de 530 francs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Elle est devenue beaucoup plus guerrière, elle a compris que c'était la guerre, hein, qui était la guerre économique en général et la guerre économique dans le portefeuille au quotidien, structurelle de les choses. Et donc, elle est devenue plus masculine, mais tout en gardant quelque chose de sa féminité d'origine et de fait. Donc, elle est une mère de famille, non pas une femme glamour. C'est toujours un peu dangereux en politique, comme Ségolène Royal a pu le vérifier en 2007, bien compris, hein, cette leçon du glamour. Donc elle a, en quelque sorte, ce qui est très étonnant pour une femme actuelle, une femme narcissique, gommé un certain nombre d'indices de séduction. Et elle a réussi à récupérer une force de séduction par la mère. Et c'est une mère en guerre, une mère en colère. On va bien, elle est souvent mal coiffée lorsqu'elle va dans les médias, ce qui n'est quand même pas du tout un hasard, évidemment, surtout qu'il y a des coiffeuses dans les salons des studios de télé. Alors là, nous pouvons interpréter la chose d'une façon basique, elle n'a pas du temps, parce qu'elle travaille beaucoup, ou d'une façon plus sophistiquée, elle n'a pas d'argent, elle est comme la mère de famille qui n'a pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur, ce qui, évidemment, dans le cas de Marine Le Pen, n'est pas du tout crédible. Et puis, cerise sur le gâteau, parfois, ça c'est extraordinaire, elle se montre à la télé avec une épingle à cheveux, une pince à cheveux en plastique, comme les femmes mettent pour prendre leur douche, pour relever leurs cheveux, comme si vous voulez, elle avait pratiquement pas le temps de se coiffer du tout. Vous ne servez à rien. De la le Front National, Fischer-Pagay, il y a tout de vous, on était obligé de voter Chirac pour terminer le tableau. C'est un peu il est en nerf de la politique. S'il devait y avoir une preuve que le modèle, disons, de la sous-culture, des séries télé, du cinéma populaire est probant avec Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que finalement, avec évidemment le même positionnement, c'est-à-dire du citoyen consommateur en colère, avec la même passion, hein, la colère, eh bien, il n'arrive pas au même succès parce qu'il n'est pas encore dans cette sous-culture. Il n'est pas assez dans cette modernité, Jean-Luc Mélenchon, pour réussir à faire la sous-culture vraiment. Il est encore dans la grande culture. C'est un professeur et il admet, et il est philosophe. Il n'arrive pas à élargir son public au-delà d'un public miroir, c'est-à-dire les profs. Il parle très très bien aux enseignants et aux gens qui aiment dans la politique retrouver l'histoire avec un grand H. Donc alors, au-delà de Marine Le Pen, on a une autre génération. Est-ce que vous reconnaissez, enfin, vous connaissez cette personne, enfin, ce petit bébé sur la photo? Vous imaginez qui ça pourrait être? Non? Donc, commencez, voici l'une des meilleures chances pour le FN d'obtenir un élu, en l'occurrence une élue, l'étudiante en droit, Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine Le Pen. Elle est arrivée en tête dans le Vaucluse, sur place Valérie Rouge, Véronique Aguillon, Françoise Mesmer. Marion Maréchal-Le Pen a le sourire de la victoire et celle qui fuit les objectifs se prête désormais au jeu. Avec 34% de suffrage, elle a dépassé de 2 points le score de sa tante à la présidentielle. L'opération séduction semble avoir marché. Ben bien sûr que j'y crois, elle est fort sympathique et tout, elle est jeune, ben j'y crois, oui. Ben, il faut arriver à ce qu'il y ait du sang-neuf, il faut que ça change. Plus que sa fraîcheur, c'est la position de Marine Le Pen sur l'immigration qui a convaincu beaucoup d'électeurs du Vaucluse. On a un pays, et les gens, ils en ont marre. Il y a des gens de Carpentras qui ne font plus le marché de Carpentras, ils viennent à Saint-Denis, parce qu'ils sont tranquilles, voilà. Les gens voilés, les trucs, non. Moi, je suis contre. La thématique, c'est que le terme allait beaucoup depuis très longtemps. C'est une, un département immigration extrêmement important. Donc, les gens se sentent souvent un peu heurtés, violés dans leur identité par les revendications communautaires de plus en plus importantes. Mais avec un tiers d'électeurs favorables au FN à Carpentras, il en reste 2/3 qui semblent accuser le coup à la lecture des journaux. Peu de votants et que des mal-votants. Je pensais pas qu'il y avait autant de tarés dans le coin. Le score de l'étudiante parisienne a aussi surpris son principal adversaire, le député UMP sortant. Pour Jean-Michel Ferrand, une seule raison, la surmédiatisation. Toutes les télévisions étaient là le matin, soir, les radios, les journaux nationaux et même les télévisions japonaises. Pour conserver son siège, le candidat UMP mise sur les abstentionnistes et les socialistes, car Martine Aubry a demandé à la candidate PS de se retirer pour éviter une triangulaire favorable au FN. Voilà, futur Benjamin de l'Assemblée tel que c'était écrit, avec bien sûr un point d'interrogation qui n'est pas apparu à l'écran. Une information importante qui vient de nous parvenir. Catherine Arkilovitch, la candidate du PS dans cette circonscription, décide de se maintenir malgré les consignes de Martine Aubry. Autrement dit, il y aura bien une triangulaire. Et donc elle a bien été élue. Mais donc voilà, en tout cas on voit qu'il y a une succession. Et pour terminer dans les temps, dernier élément que je voulais évoquer, c'est finalement ce Front National qui a fait l'histoire de, le cycle Front National, la fameuse flamme du Front National aussi que l'on retrouve un peu partout. On a déjà parlé des logotypes, des marques, etc. Là aussi, avec l'arrivée de Marine Le Pen et sa volonté de dédiaboliser le parti, il y a aussi la volonté finalement de sortir de cette logique du Front National et de davantage mettre en avant la figure de la présidente. Et donc on voit que pour les élections municipales en 2014, il y avait Marianne avec symbole de la République, avec la flamme du Front National. Mais on a vu également que dans la terminologie, dans les mots employés autour de sa campagne, et on ne parle plus véritablement d'identitaire, d'immigration, etc., mais on est dans une nouvelle thématique qui est le patriotisme. Donc le vote patriote, c'est quelque chose que vous pouvez aussi également observer. Et puis, il y a un certain nombre de partis, de candidats qui sont tout à fait intéressés par Marine Le Pen et par son potentiel de figure de proue et de candidate victorieuse, avec une vraie probabilité, une vraie possibilité pour elle d'accéder à haute fonction, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais qui sont rebutés par le Front National, par cette histoire du Front National, par Jean-Marie Le Pen. Et donc, il y a depuis quelques années une sorte de nébuleuse qui a été mise en place avec une marque propre qui s'appelle le Rassemblement Bleu Marine et qui permet à des individus, à des figures politiques, de rejoindre Marine Le Pen sans rejoindre le Front National. Donc, quelqu'un comme Robert Ménard, qui est maire de Béziers aujourd'hui, donc qui fait beaucoup parler de lui avec ses affiches et ses initiatives trash, eh bien, lui, il n'est pas membre du Front National. Donc, Jean-Marie Le Pen, bon, maintenant, il a été éjecté, mais Jean-Marie Le Pen n'a rien à lui dire, n'avait pas d'ordre à lui donner. Et donc, il y a une sorte d'attachement beaucoup plus flexible et liquide à une Marine Le Pen et à sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. Donc on voit qu'il y a aussi, on a totalement effacé les marqueurs frontistes On est uniquement dans une personnalisation, dans une pipolisation. On n'a même plus besoin d'ailleurs de mettre le nom, puisque le personnage est tellement bien ancré dans l'inconscient collectif et dans les médias que, vous savez, c'est comme le sigle Nike, hein, il n'y a pas besoin de mettre Nike en dessous, tout le monde le reconnaît. Même chose avec Marine Le Pen. Donc on voit vraiment l'évolution, en tout cas, de cette personnalisation. 17h59, bonne soirée.